tête, espérant qu'on ne sente que ton parfum qui m'enchante. La première fois que je t'ai vu, tu traversais la rue comme un coup de foudre imprévu. Dans tes yeux, je me suis perdu, j'ai été comme mordu. Des sentiments un peu confus, apparemment. À première vue, t'es pas du style à faire cocu. Alors j'ai repris mes repères, sur descendu sur terre. Est-ce ton mec ou bien ton frère? Ça m'a laissé le cœur brisé, je balisais, amour cassé. De regarder, je m'en suis lassé, ce mec t'embrassait, ce mec t'enlacé. Je suis peut-être pas assez classe, peut-être trop de survêt de basket. Que j'enlève ma casquette, d'autres diraient que je me la pète. Toi tu n'aimes pas ça, d'autres filles me prennent avec. Et je respecte ton choix, j'essaierai de changer peut-être. Mais la prochaine fois, qu'on se recroisera, t'inquiète, ce sera... L'amour parfait, l'amour vrai, l'amour qu'il me fallait. L'amour soñado, codiciado, compartido. L'amour que je voulais, que j'attendais, cet amour désiré. L'amour declarado, confesado, esperado. L'amour à souhait, confessé, l'amour recherché. L'amour escondido, insensato, revelado. L'amour que je visais, que je languissais, l'amour que je vais donner. L'amour hallado, apasionado, ese amor que esa amo. Esa noche te vi otra vez en la terraza de ese bar. Bebiendo un café, no sabía qué pensar. Si irme a tu encuentro o quedarme lejos a observar. Que no soy muy bueno para eso. Nervioso para hablar delante de esos ojos tan hermosos. Me quedo atontado mirándolo sin parar. He buscado el amor verdadero. Ese amor que queremos pero nunca tenemos. El día que te vi encontré ese amor para ti. El que te dice sí, que no se podrá ir. Al menos de sufrir cada día crece hasta ser. L'amour parfait, l'amour vrai, l'amour qu'il me fallait. L'amour soñado, codiciado, compartido. L'amour que je voulais, que j'attendais, cet amour désiré. L'amour declarado, confesado, esperado. L'amour à souhait, confessé, l'amour recherché. L'amour escondido, insensato, revelado. L'amour que je visais, que je languissais, l'amour que je vais donner. L'amour hallado, apasionado, ese amor que dans amo. Dans tes yeux, je me suis plongé, j'ai été troublé, envoûté. J'étais sidéré par ta beauté, bouleversé par les faits que tu m'as fait. Je n'ai qu'un souhait, être à tes côtés. Pour que chaque jour que Dieu va créer, je puisse t'admirer. Que chaque jour que Dieu aura créé, je puisse déposer, déposer sur ta peau sucrée le doux baiser parfumé. Alors s'il te plaît, laisse-moi te parler. Laisse-moi essayer, essayer de te charmer. C'est vrai que je suis intimidé. Laisse-moi t'inviter, discuter, sympathiser. T'attirer pour attiser le premier baiser qui ne sera pas le dernier. Je veux te garder, car là je suis tombé sur l'amour parfait, l'amour vrai, l'amour qu'il me fallait. L'amour soñado, codiciado, compartido. L'amour que je voulais. Que j'attendais cet amour désiré. L'amour declarado, confesado, esperado. L'amour à souhait, confessé, l'amour recherché. L'amour escondido, insensato, revelado. L'amour que je visais, que je languissais, l'amour que je vais donner. L'amour hallado, apasionado, ese amor que amo. Ese momento, ese instante en que te vi. Ansiedad que me llena, este amor que me quema. Un valor que me acerca a ti. Sentir cosas que nunca creí, ingenua, siempre busqué ser cuerda, equilibrada, en calma sin ti, pobre de mí, cambiaste mi meta, vivir por buscar. L'amour parfait, l'amour vrai, l'amour qu'il me fallait. L'amour soñado, codiciado, compartido. L'amour que je voulais, que j'attendais, cet amour désiré. L'amour declarado, confesado, esperado. L'amour à souhait, confessé, l'amour recherché. L'amour escondido, insensato, revelado. L'amour que je visais, que je languissais, l'amour que je vais donner. L'amour hallado, apasionado, ese amor que amo. Ouais, ma belle, tu es celle dont je rêvais. Tu es la plus belle de tout ce qu'on a pu créer. Je suis resté tel, ces jumelles à te regarder. Crois pas que je t'espère. Je n'oserais pas m'immiscer dans ta vie privée. Tu sais, avant de te rencontrer, je faisais que traîner, zoner et déambuler. Comme si je cherchais à trouver l'amour, t'en cherchais. Cet amour dont on rêve tous, mais qu'on peut voir qu'à la télé. Cupidon me pousse, me dit vas-y, faut te lancer. Peut-être, peut-être pas, mais non, je peux pas. Je suis sûr que je vais bafouiller. Me dit on peut pas plonger sans se mouiller. Alors jette-toi à l'eau, c'est vrai, je peux pas rogner mes sentiments. Et peux pas te les dire pour autant, de peur que tu fuis en sachant où je cherche.